Veuillez me pardonner, nous sommes donc à la suite sur les cinq choses qu'il faut éliminer ou qu'il faut éviter de divulguer. La suite, nous parlions donc de l'élément numéro 4. L'élément numéro 4, justement, a un rapport avec les secrets mystico-spirituels. Les secrets mystico-spirituels, il faut éviter, au maximum de pouvoir les divulguer. Normalement, lorsque vous rencontrez l'épouse, ou du moins le partenaire ou la partenaire, ça dépend dans quelle relation vous y êtes, si vous êtes hétérosexuel ou, je sais pas moi, bisexuel, disons, si vous vivez dans un couple normal, homme et femme, ou bien dans un couple un peu compliqué, homme et homme, ou femme et femme, bref, ça dépend de dans la relation dans laquelle vous vous trouvez. Il faut comprendre une chose, c'est que dans cette relation dans laquelle vous vous trouvez, il y a un principe. Deux êtres qui veulent venir vivre ensemble, il doit y avoir obligatoirement une harmonisation spirituelle également. Parce que même dans le plan, que ce soit dans le plan physique, émotionnel, vous partagez tout ensemble. En plus forte raison dans le plan mystico-spirituel. Dans le plan spirituel, vous devez partager tout ensemble. Et cela est très important que cela n'échappe point à toute personne qui est engagée dans la spiritualité. Donc, les conflits commencent comment? Lorsque vous constatez, si vous n'avez pas donné des informations au cours de votre première rencontre, dire à votre épouse que ben voilà, je suis dans une pratique spirituelle, mais qu'elle n'a rien de diabolique, j'évolue en solo, j'évolue en libre penseur, je suis un initié des grands mystères, donc je me lance là-dedans, et puis, comment dirais-je, je ne mérite pas que tu sois surprise si à certaines heures ou à certaines dates du mois, je dois me retrouver souvent dans ma chambre. Je vais être seul dans ma chambre parce que je veux avoir cette intimité avec mes êtres de l'au-delà, avec Dieu qui agit par pouvoir délégatoire. Maintenant, c'est à la femme de prendre cela et d'analyser, de lui dire, chérie, j'ai compris. L'amour que j'ai pour toi, je sais que tu ne pourras jamais me faire du mal. Nous sommes appelés à vivre le reste de notre vie ensemble. Je te soutiens dans tout ce que tu fais. Et dès lors que cette entente est établie, et cette compréhension est mise sur la table, dans la table, je parle sur la table spirituelle, bien sûr, donc dans votre tabernacle, vous êtes accordé sur ça. Je crois que à partir de là, l'homme aussi doit avoir des informations sur les croyances. Quand la femme vous le répète tous les jours que moi, voilà, je crois en mon Dieu, je fais ceci, je fais cela, et que dans le strict respect de cela, je n'aimerais pas que tu me fasses ceci ou cela. Accordez-vous et entendez-vous. Et ça, c'est très important. Et dès lors que cette ambiance est établie, vous allez donc vous comprendre les uns les autres. Vous allez être tolérant vis-à-vis de l'un ou de l'autre. Moi, je vous ai toujours parlé du témoignage d'une tante à moi qui est témoin de Jéhovah, mais qui épouse un musulman. Je connais encore une sœur qui, elle est dans une église éveillée, mais elle épouse un ganga du Bouédé. Ils se sont acceptés comme ça. Tant qu'ils ne se font point de mal, tant que l'homme n'est pas en train de travailler avec les esprits du bas astral, des démons ou ceci, cela, chercher. Non, le but d'une relation, c'est de créer une harmonie. Et l'homme est une grande protection, bien que la protection vienne de Dieu, mais dans le plan matériel, l'homme représente Dieu. Et que par conséquent, c'est lui qui est le socle de l'unité, de l'harmonie, et surtout de l'harmonie et l'unité avec le Dieu suprême, avec les forces invisibles. Cela doit être clair ici que il ne doit point y avoir une fuite d'informations quant à la pratique que l'homme fait ou la femme fait. Toi, l'homme, il n'est pas nécessaire d'aller dire aux gens, oui, ma femme, elle est dans le djembé, elle est dans ceci, elle est dans le bouété, et que voilà. Non! Vous faites une vente d'informations. Et vous rendez mauvais service à votre femme. D'accord? Il en est de même de la femme. Mon mari, il est dans le bouité, il est dans la rose-croix, il est dans la maçonnerie, ceci, cela. Quand vous parlez comme ça et vous vous adressez à un dragueur, par exemple, qui est dans, puisque je vous signale que même dans les églises, on n'a plus confiance aux hommes, c'est des adultérins, c'est des bandits. Vous allez parler donc à un pasteur comme ça. Le pasteur va dire, oh maman, on va prier pour toi. Ton mari, là, il est dangereux, il est dangereux. Et pour prier pour toi, voilà ce que nous allons faire. Je ne veux pas faire cette mimique ou cette comédie. Et vous savez ce qui se passe. Les réseaux sociaux en témoignent tous les jours. Donc, il est très important, madame. Vous vivez avec votre mari dans sa pratique qu'il fait, respectez cette pratique. Monsieur, respectez la pratique de votre femme. D'accord? Vous devez garder cette complicité absolument jusqu'à la fin de votre vie sur cette terre. Donc, il serait tout tout à fait inapproprié de pouvoir partager des informations concernant la pratique de votre mari ou de votre femme. D'accord? Cela est très, très dangereux. Parce que vous ouvrez les portes aux ennemis quand vous le faites. Et c'est ce qui m'amène pour conclure à la cinquième règle. La relation entre l'homme et Dieu est une relation intime, personnelle. Et que il n'est pas question de pouvoir en faire un drame ou de chaque fois vanter de ce que votre Dieu fait, vanter des privilèges que vous recevez de votre entité ou de votre église ou je ne sais pas trop quoi. Cela n'est pas nécessaire. Il est écrit quelque part que le salut est personnel. En considérant cela, ça veut dire que la relation entre vous en tant qu'entité individuelle avec l'entité universelle, c'est une union intime, personnelle, individuelle. Quel que soit le milieu où vous trouvez, ce n'est pas nécessaire de chaque fois dire aux gens, oh, voilà ce que Dieu a fait pour moi, oh, voilà ce que mon boutier a fait, voilà mes frères de la Rose-Croix ou la franc-maçonnerie, voici ce qu'ils ont fait. Ce n'est pas nécessaire. Vous êtes en train de rendre un mauvais service. Vous êtes en train de vous vendre. Nul ne doit savoir le secret de votre pouvoir. Quelle que soit la multitude des pratiques dans lesquelles vous vous trouvez, vous pouvez être dans 28 milieux. Au cas de votre serviteur, initié dans près de 28 cercles mystico-spirituels, loges, ceci, cela, église, religion, traditionnelle, occidentale. Mais je ne pourrai jamais au grand jour venir vous dire ici, voici ma force. C'est là où je se trouve mon pouvoir. Mais c'est de la folie. Vous n'avez pas le droit. Ça, c'est très important sur cette cinquième chose qui a un rapport un tout petit peu avec le règlement numéro 5, numéro 4 autant pour moi. Donc, sur ce numéro 5, comprenez que la relation entre vous et les dieux, la relation entre vous et l'être suprême, la relation entre vous et votre pratique, c'est intime. Et que vous n'avez aucunement le droit d'aller dire aux gens les privilèges que vous bénéficiez, les privilèges que vous obtenez, les avantages que vous avez. Sinon, vous ouvrez la porte à vos ennemis. Parce que si les ennemis savent que votre force de frappe, c'est la maçonnerie, mais ils vont tenter de passer par un frère maçon pour vous faire du mal. Voyez-vous? S'ils savent que votre force, c'est le djembé, mais ils vont passer par une femme du djembé pour vous taper sa force. Donc, vous n'avez pas le droit. Je vous dis, je suis dans le bouti, je suis dans la maçonnerie, la Rose-Croix, je ne sais pas trop quoi, avec les témoins de Jéhovah ou avec les musulmans. J'ai la Bible, le Coran, tous les livres saints. Mais je ne peux pas dire aux gens là où je puise ma force. L'essentiel, c'est que tout est rivé vers le Dieu suprême. Mais comme je vous l'ai toujours dit, l'affaire du Dieu suprême, Tetamwanga, Allah, Baru, Jehovah, quel nom peut le lui attribuer. Dieu innommable et innommé et incompréhensible, dont les voies sont compliquées, les voies sont impénétrables. Il agit par pouvoir délégatoire. Et comme il agit par pouvoir délégatoire, il y a des entités que vous ne maîtrisez pas. Il y a des êtres de l'au-delà, des maîtres invisibles, des guides invisibles. Ils sont tellement nombreux. Incolore et indolore. Ils n'ont pas une identité physique disant que c'est des noirs ou des blancs. C'est des entités, c'est des âmes. L'âme n'a pas la couleur de la peau, mais elle prend la forme de la couleur de la peau. Lorsque c'est un noir qui l'appelle, il se manifeste en noir. Lorsque c'est un blanc, il se manifeste en blanc. Lorsque c'est un chinois, il se manifeste comme un chinois. Bref, pour vous dire que dans cette relation intime, vous avez réussi à avoir certains secrets pour vous connecter avec les univers, parce qu'il y en a nombreux, en dehors de notre univers galactique composé de 12 planètes, où il y a des entités qui gravitent autour et qui agissent toujours par pouvoir délégatoire, de par la permission de l'être suprême. Mais ce mec-là, il y a des gens qui tissent des relations personnelles et individuelles avec eux. Il n'est pas de votre devoir de pouvoir dire, oui, moi, par exemple, l'esprit qui travaille avec moi, c'est l'esprit appelé Sandalfon. Ou c'est l'esprit appelé Makoto. Non. Ça, c'est votre secret à vous. D'accord? Même dans la vie des couples. Quand vous demandez d'être dans votre chambre, vous voulez vous isoler, madame. La dame dit, je vais être seule. Mais vous ne savez pas l'expérience qu'elle va faire. Peut-être qu'elle va tenter de faire une sortie consciente pour se retrouver dans son monde à elle. Elle va rentrer avec son Dieu Jéhovah, ou eh bien va rentrer avec son Dieu Allah, libérée, laissez-la dans cette intimité. Vous pensez que c'est de la folie lorsque vous lisez le livre de Nombre ou le livre de Lévitique, lorsqu'on parle de l'ordre, de la prêtrise, des principes qui étaient établis quant à une relation entre un homme et une femme. Là, je fais allusion à la Bible. Le livre de Lévitique, veuillez le lire, s'il vous plaît. Cela montre le strict secret dans lequel l'homme ou la femme rentre dans sa relation avec Dieu. Il y a un moment où on demande cette séparation. Donc, accorder aussi cette liberté à l'homme ou à la femme de pouvoir créer cette intimité. Et que vous n'avez pas le droit de vendre la mèche. L'homme a son secret, comment le foyer fonctionne en termes de finances, l'argent tombe, la femme elle est heureuse. Ah, chérie, ah, vraiment, Dieu est grand. Ah, chérie, Dieu est grand. Mais parce que l'homme, quand il entre dans son temple, il entre en communion avec Dieu et Dieu l'aide d'une manière ou d'une autre par pouvoir délégatoire pour pouvoir créer des opportunités. La même chose pour la femme. Donc ce point doit être clair. Bien, le temps faisant toujours défaut, je ne vais pas trop vous garder, mais je vais conclure pour dire ceci. La connaissance. La connaissance, c'est l'appréhension. L'appréhension des plans invisibles et leur accomplissement dans le plan matériel. Quand vous appréhendez donc ce plan, ce monde de l'invisibilité, et la seule manière de pouvoir appréhender ce monde, c'est un, créer une relation individuelle avec l'au-delà. Et quand vous créez cette relation individuelle avec l'au-delà, vous allez comprendre ces cinq principes que je venais d'établir, des choses qu'il ne faut pas divulguer. Et ça passe par le développement de ses facultés psychiques. Vous développez vos facultés psychiques, vous développez vos facultés mentales. Et il n'y a rien de diabolique en cela. Lisez le livre de Josué, chapitre 1, verset 8, sauf si je me trompe, dans la version Louis II ou dans la version du Monde Nouveau des Témoins de Jéhovah, c'est la même phrase. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. À l'époque, c'était le livre de la loi. Aujourd'hui, c'est un livre complet. Selon Paul, il est complet. On n'a plus besoin de prises de judo, ni crier ou faire des miracles. C'est complet. Il suffit seulement d'appliquer cela, l'appréhension de ces principes, qui passe par une application métaphysique, ce que j'appelle la mystique chrétienne. Donc, dans cette relation que vous créez avec lui, vos facultés psychiques et mentales s'éveillent par ce premier verset que je viens de vous lire. Vous pouvez l'associer avec le psaume numéro 1 du verset 1 jusqu'à 3. Hein? Que ce livre ou bien que cette Bible ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-la jour et nuit et agis conformément selon ce qui est écrit. C'est ainsi que si tu appliques ce qui est écrit, ainsi ta vie aura du succès dans toutes tes entreprises. Parce que tu as fait quoi? Méditer d'abord. Et après la méditation, tu appliques. Et après l'application, maintenant, tu fais quoi? Tu expérimentes. Donc, de la méditation, application, expérimentation égale connexion avec l'au-delà. Mais dès que vous avez réussi à rentrer dans ce monde, et vous allez commencer à accuser cette dame parce que elle est témoin de Jéhovah ou bien elle est chrétienne, sa vie a un succès et vous allez commencer à dire non, elle est dans les loges. Mais c'est parce qu'elle a compris ce principe-là. Médite jour et nuit. Et le psaume encore, David, lui, il est un peu plus clair en disant que l'homme qui ne se comporte pas comme l'homme stupide, un homme stupide ici, ce n'est pas une insulte, c'est l'homme qui n'a pas l'esprit branché avec l'esprit de Dieu. Et bien cet homme est comparé à quoi? À un arbre planté auprès d'un ruisseau, une rivière, où il y a de l'eau qui coule en permanence. Et cet arbre, vous pensez que les feuilles de cet arbre vont mourir? Non! Le feuillage sera toujours vert. Pourquoi? Parce que c'est un arbre qui est planté à côté des ruisseaux d'eau. Il en est de même de l'homme qui garde sa connexion avec l'esprit universel, avec Dieu. Dieu qui agit par pouvoir délégatoire, car Dieu ce n'est qu'un titre, un nom qu'on a attribué comme cela, Mais l'intelligence suprême, originale, extraordinaire, suprahumaine, auquel on se branche pour chercher son identité et pour retourner à la source. Et qu'est-ce qu'on fait? On se connecte à lui. Mais dès lors qu'on se connecte à lui, nous avons fait un phénomène mystico-spirituel qu'on appelle le retour à la source. Mais ce retour à la source, parce que nous avons été créés à l'image de Dieu. À l'image de Dieu, nous avons été créés et nous sommes la ressemblance de Dieu. Donc, ceci étant, rien n'est impossible. Voyez-vous? Et dès lors que rien n'est impossible, vous devez maintenant passer donc dans l'application des principes de la vie. Et cette application de ces principes, ce sont celles-là que nous venions voir. Donc, il y en a cinq au total. Mais dès lors qu'on n'applique pas ces choses, dès lors que vous, monsieur et madame, vous n'êtes pas dans cette complicité et fidélité dans vos principes immuables qui vous lient avec l'être suprême, quelle que soit la diversité philosophale et philosophique, c'est-à-dire selon le dogme et la doctrine, si vous restez branché, tous ceux qui vivent dans l'obscurantisme absolu, qui sont dans les méandres du mercenariat de l'occultisme, c'est-à-dire les religieux, qui sont superstitieux, qui continuent toujours à vous persécuter, c'est pour cela que je les appelle des mercenaires de l'occultisme, parce qu'ils vous persécutent la même Bible que vous lisez tous les jours ensemble, la même Bible que vous méditez, la même Bible donc qui est écrite dans Josué chapitre 1, le verset 8, en disant « Médite sur ce livre jour et nuit ». Et agis conformément selon ce qui est écrit, car ce faisant, ainsi tu attireras vers toi le bonheur, ainsi toutes tes entreprises vont réussir, un succès fou, au point où, quelque part dans le livre de Samuel, j'oublie le chapitre, mais c'est le verset 29 qui dira, eh bien, le commun des mortels va ouvrir la bouche en disant, « Oh, quel genre de Dieu ce mec adore ! Il adore un Dieu bizarre de la fortune, comment a-t-il fait pour avoir autant de succès dans sa vie ?» N'êtes-vous pas victime de cela, monsieur ou madame, et pourtant vous adorez Dieu, mais on vous accuse d'être dans les loges, parce que les gens pensent que la loge, c'est la facilité. J'appelle cela l'obscurantisme. Donc, tous ceux qui sont agents de l'obscurantisme, tous ceux qui vivent dans le mercenariat de l'occultisme, ils sont dans ce qu'on appelle, et ce que moi j'ai appelé, du salmigondi religieux. Faites vos recherches. Cherchez ce mot que les maîtres viennent de me souffler. Le salmigondi. Le salmigondi. Salmigondi religieux. Qu'est-ce que c'est le salmigondi religieux? Allez-y, faites les recherches. C'est ainsi que prend fin donc le thème d'aujourd'hui sur les cinq choses qu'il faut éviter de divulguer n'importe comment. C'est la deuxième partie, naturellement. Il y a une première partie et sera suivie de cette deuxième partie. D'accord? Maintenant, pour clôturer cet enseignement, je vais vous amener toujours, comme je vous avais promis, que je vais toujours vous donner la liste de certaines plantes. Et l'une des plantes que j'étais en train de faire de recherche, cette plante-là dépend de la Lune, plutôt de la planète Vénus. C'est une plante qui est là pour pouvoir éviter d'avoir des conflits. Pardonnez-moi. Qui vous aide à éviter d'avoir des conflits dans votre vie de ménage. Oui. Elle apaise. Pardonnez-moi. Son rôle, c'est d'apaiser les conflits passionnels, d'apaiser quand il y a des problèmes dans le foyer. Et vous savez que la planète Vénus, c'est la planète de l'amour. Et cette planète, elle est là pour réguler tout ce qui est amour. Voilà pourquoi les entités qui vivent à ce niveau, c'est des entités assez spéciales. J'ai eu le privilège de visiter Vénus 4. Folie des folies, que ceux qui sont libres d'y croire, ils croient, que ceux qui ne veulent pas, ça c'est leur business. C'est une expérience mystico-spirituelle que j'ai vécue. Là-bas, ils ne vivent que de l'amour. Ils ne font pas d'enfants. Ils ne vivent que de l'amour et du sport. Et tous les 1000 ans, ils renouvellent leurs cellules du corps. Ils ont une science très avancée où tous les 1000 ans, ils doivent s'injecter. C'est un produit. S'ils oublient de s'injecter, ben, ils vont disparaître. Ce qu'on appelle sur Terre, ils meurent. Eux, ils ne connaissent pas la mort là-bas, ils connaissent l'éternité. Mais tous les 1000 ans, ils doivent s'injecter. Je crois que Jean, qui a écrit le livre L'Apocalypse, peut-être, a dû avoir quelques informations dans ce sens, car, souvenez-vous, quand on parle du millénium, le royaume millénaire, on nous dit bien que lorsque le Christ reviendra, après les grandes tribulations, Armageddon, le grand combat, les forces du mal, Satan le diable emprisonné pendant ces 1000 ans, les derniers tests qui vont être mis à la portée de tout le monde, c'est-à-dire que tout le monde ayant des livres ouverts vont avoir accès à des nouvelles connaissances, des vieilles connaissances, bien sûr, et tous ceux qui étaient morts dans l'ignorance, donc on les ressuscite, ils viennent. La planète Terre est purifiée de toutes les impuretés, de toutes les conneries, plus de guerre, on ne parlera plus de nucléaire, de ceci, cela. Et je crois le psaume 37, 29 est clair là-dessus, que maintenant, désormais, la planète va être habitée par les justes, rien que les justes hériteront cette terre et ils y vivront éternellement en paix, car le lion habitera désormais avec le cabri et ainsi de suite. Dans le sens symbolique, c'est qu'il n'y aura plus de méchants. Mais non, quand nous voyons ce genre de vie, c'est cela qui est prévu. Mais à la planète Vénus 4, eh bien, ils vivent comme ça. Donc, le fameux millénaire, c'est celui-là. Le millénaire dont explique Jean, et disant qu'après 1000 ans, Satan, le diable, va être jeté dans le lac de feu. C'est là où j'explique cela. Le fameux enfer, oui, il va être détruit. Ce n'est pas un enfer, il va être simplement détruit. Et lui et tous ceux qui vont chuter à la dernière épreuve, après les 1000 ans d'études. Imaginez-vous un privilège, vous allez vivre pendant 1000 ans. Donc, ce millénaire dont il est question qu'après les 1000 ans maintenant, ben, le pouvoir va être remis à l'alpha et l'oméga, pour l'éternité d'éternité. On n'en aura pas besoin de Christ ou de Jésus ou de qui que ce soit. Eh bien, c'est une relation désormais qui va revenir au départ, comme cela était au début. En fait, l'homme était créé pour vivre pendant des millénaires, c'est des millénaires. Maintenant, à la Vénus, à la planète Vénus 4, dont je vous parle, de la plante que je ne vous ai pas encore donné le nom, ils vivent pendant 1000 ans. Tous les 1000 ans, donc, ils s'injectent, ils se renouvellent, ils se renouvellent, ils se renouvellent. Donc, la plante en question s'appelle le clou de girofle. C'est important d'avoir le clou de girofle en tant que racine, cette racine qui est marron, à peu près marron ou noir. C'est important d'avoir cela parce qu'elle soulage les maux passionnels. Mais elle soulage également les maux physiques. Si vous avez des douleurs dentaires, vous faites bouillir, vous buvez, pas boire, mais vous lavez la bouche, les dents avec cette eau-là pendant un certain temps, les douleurs vont disparaître. Et si vous avez l'habitude de consommer également les clous de girofle, puisque moi, personnellement, j'utilise ça dans mes préparations, dans mes bouillons, eh bien, ça va vous épargner aussi de beaucoup de maux du corps. Donc, plus de maladies quelconques, bizarres, surtout les maladies inflammatoires, tout ce qui est inflammation dans votre corps, devait vous libérer. Ah oui, c'est clair. Maintenant, dans le monde passionnel, dans le monde émotionnel, sentimental, le clou de girofle est là pour justement apaiser les conflits. Quand vous avez des conflits passionnels, vous aimez trop quelqu'un à mourir, eh bien, généralement, on fait un rite avec ça et on prie, on met les clous de girofle, on les pile, on les brûle. Et puis vous faites un bain, vous vous couvrez avec la couverture sous la fumée des clous de girofle et vous parlez. Si vous êtes chrétienne, vous direz: Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux, mais agis ici et maintenant pour que les passions que j'ai pour ce type-là vraiment s'arrêtent. Oh, ta nyambi, ça a commencé comme un nyambiéréré. Ça va s'arrêter. Mais par contre, si c'est une passion normale, quelqu'un que vous avez aimé, qui ravit votre flamme, vous n'avez pas besoin de prier. Et aussi les passions, comment on appelle ça, les conflits. Qu'est-ce que j'ai voulu dire? Les conflits passionnels, c'est beaucoup plus dans le cas des palabres dans le foyer, en fait. Les palabres dans le foyer, il y a toujours des conflits, vous vous bagarrez, sans raison, toujours les disputes inutiles. Le monsieur, madame, ici, la maman, mais c'est moi le commandant, maintenant elle va mettre ses galons. Le monsieur, ici, yo, c'est moi, même si je n'ai pas les galons, ou bien il est le commandant, maintenant il dit qu'il se comporte en militaire, en dictateur. Pour éviter ce genre de conflits, vous allez également appliquer la même technique, c'est-à-dire utiliser le clou de girofle. Mais cette fois-ci sous forme d'encens. S'il n'existe pas d'encens, giroflique, si le terme existe, donc vous allez brûler les clous de girofle et vous le mélangerez avec l'encens pontifical. Vous brûlez le tout ensemble et vous allez faire un bain, vous vous couvrez. Bain de fumée, bain de vapeur, on appelle ça. Et c'est ainsi que sous cette fumée, vous serez épargné de vos conflits. Et si possible, faire brûler ça dans toute la maison, dans toute la chambre. Quand ça vous, si c'est vous, madame, vous voulez que la paix revienne dans le foyer et que monsieur vous emmerde, eh bien, vous allez brûler pendant qu'il est au travail, vous brûlez ça dans la chambre. Vous apaisez, vous apaisez, vous priez, vous parlez. Vous commencez votre prière côté est. Toujours priez le côté est, là où le soleil se lève. Vous priez, vous priez, vous priez. Vous tournez de l'est vers le nord, le sud, l'ouest. Et vous revenez au centre. Vous dites, Atinyambi, merci beaucoup. Atinzamo, Aboranen, Akie, Akiba. Et vous avez fini votre travail. Ça paraît simple, mais c'est aussi puissant, hein, et efficace. Je puise ceci dans le grimoire écrit par M. Balsamo vers les années 1896. C'est là où je puise ce rite-là. Retenez que le clou de girofle est très important et que la planète qui l'influence est la planète Vénus, la planète de l'amour. Je vous remercie donc tous de m'avoir suivi, de comprendre que En conclusion, il est formellement et totalement interdit de pouvoir partager ou divulguer les cinq choses dont je vous ai fait allusion, partant de votre vie intime, de votre vie de couple, au niveau du monde professionnel, dans le plan spirituel, émotionnel, mystico-spirituel, et de vos projets à vous et de vos rêves. Faites très attention car vous ouvrirez vos portes. C'est une ouverture des portes des méandres, des miasmes du bas astral, pour ne pas dire simplement de l'obscurantisme, du mercenariat, de l'occultisme. Vous exposez votre âme à toute attaque éventuelle. Sachez conserver l'âme de votre mari, sachez conserver l'âme de votre épouse, sachez conserver l'âme de vos enfants, en un mot, l'âme de votre famille, l'âme collective de vos parents, sous le sceau de vos ancêtres, sous le sceau de Tetamwanga, l'être suprême qui crée tout, et en même temps omniprésent, omnipotent, mais qui délègue ses pouvoirs à travers vos génies, qui délègue ses pouvoirs à travers les archanges, les anges, et que vous connaissez les noms et tout le reste. Et c'est ainsi que vous serez à l'abri de la peur et des attaques, et surtout du besoin, le besoin d'être protégé, le besoin de vivre en harmonie avec vous-même et avec le Dieu suprême. Sur ce, je veux pouvoir vous quitter et nous allons clôturer par cette belle chanson qui a ouvert le bal. Et donc, Battery 88%. je Five vous Galaxy laisse Note 205G ici connected. apprécier. Merci beaucoup. Merci. Yeah, I'm gonna Merci beaucoup. Merci. Fille. Merci. Aïe. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci. Que tes témoins vous bénissent. Merci. Merci. Donc, voici à la fin de ceci pour conclure que l'objectif des enseignements de M. Morio Mouvier qui vous parle, c'est de pouvoir vous permettre de vivre loin, loin, loin, loin de l'obscurantisme, loin des méandres du mercenariat de l'occultisme religieux, loin, loin, loin, loin du fanatisme inutile qui contribue à la perdition de votre âme, loin, loin, loin, loin de la confusion totale qui vous permettra ici d'éviter des conflits inutiles, car les conflits, c'est la guerre. Or, la guerre commence d'abord par vous-même et à l'intérieur de vous-même, avant que ça devienne une guerre tribale, guerre du terroir, guerre du pays et guerre finalement planétaire. Tout doit partir de vous-même. Or, partant de vous-même, vous devez créer les conditions, d'abord aléatoires. Lesquelles conditions sont ? Elles sont basées plutôt sur quatre lois fondamentales. Lesquelles quatre lois fondamentales sont le reflet de l'être suprême qui a créé les cieux et la terre, de par les quatre coins de la terre qui sont gardés par des quatre grandes entités qu'on appelle des archanges, dont je ne vais pas citer les noms. Et ces quatre lois donc fondamentales sont l'amour, la puissance, la justice et la paix. Je répète, l'amour, la puissance, la justice et la paix. Ces quatre grandes qualités et vertus divines doivent prévaloir dans votre vie de tous les jours, afin de créer ce que nous appelons dans le monde métaphysique et dans le monde spirituel l'harmonisation. Cette harmonisation qui est un état d'esprit qui consiste pour vous de rentrer d'abord à vous-même, à l'intérieur de vous-même, de par une prise de conscience individuelle d'avec la conscience collective universelle que nous avons tous communément appelée et ignoramment Dieu, mais qui n'est qu'un titre et qui a un Dieu et qui a un nom autant pour moi. Un nom qui retentit dans les cœurs de tous les initiés, dans le cœur de toute la création, dans le cœur de tous les quatre règnes, pour ne pas dire les cinq règnes, du règne animal, végétal, minéral, humain, anime et divin, de tous ces règnes, et qui passent par les quatre éléments, air, feu, eau, terre, tout cela est animé par une présence omniprésente et omnisciente, et créée par le grand phénomène de l'harmonisation. Car c'est cette harmonisation qui, justement, doit régner dans tous les cœurs de tous les êtres ici-bas. Ainsi, c'est un message de conclusion pour vous encourager à respecter ces principes immuables à travers ma grande méditation spirituelle jusqu'à 3 heures du matin. Ils ne m'ont fait que danser et me rappeler cela. Évitez donc, s'il vous plaît, de divulguer des choses. Merci, que la paix réside avec vous. Que la paix, rien que la paix et l'amour, inonde votre conscience divine. Merci encore et bon week-end.